L'ambassade de la République populaire démocratique de Corée vient d'être installée en Biélorussie. La cérémonie d'ouverture a eu lieu le 19 à Minsk. Y ont été invités les personnalités gouvernementales des partis politiques, du Parlement et des milieux sociaux biélorusses. Y ont pris part également les officiels du ministère des Affaires étrangères et de diverses unités d'activité coréennes en mission dans ce pays. Le drapeau de la République populaire démocratique de Corée a été arboré à l'ambassade.